nasengite sama ya bolingo bapi mingai nasengite sama ya bolingo bapi mingai bapi singa mokanda ona butu balobi ngai natanga kaho balobi sheringa natanga kaho na mituni mamoni linga na mema mama yakopi melanga bolingo na katia sanyomo conscience motebe bana bolingo ngai kona linga ka vite vite oh bope sangai mungu abasenzio oh na mituni ngamboni linga na mema mama yakopi melanga bolingo na katia sanyomo conscience motebe bana bolingo ngai kona linga ka vite vite oh bope sangai mungu abasenzio oh na mituni. Mais qu'est-ce que c'est? Vraiment, c'est ça. Do, do. Ah, qui tanto, cansa. Namitoni, Kamoni, Ninga, Namé, Mama, Yakopi, Melanga, Bolingo, Nakatia, Sanyogo. Conscience à motebe bana bolingo eh ngai kona linga ka vite vite oh bope sangai mungu abasenzio oh na mituni kamoni linga na mema mama yakopi melanga bolingo na katia sanyo oh conscience à motebe bana bolingo eh ngai kona linga ka vite vite oh bope sangai mungu abasenzio oh moto alingaka moto e mwana mama okomema ndengambo e mwana mama motika tolingana tokosala bino soni te motika tobalana lokumu ya mama mpe na mwana e okomema ndengambo e mwana mama soki bopekisinga sandoka mwana mama boko kamwa ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba boko kumba ndenga mboe fote na nga te yala mulue boko panza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama ata ndobonga nakomela nakoma mbisi o botekanga balia ngai nazanga o boko kumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisaka te bapesaka tolibovanda bokoboya bokoboya tokokende na mekenga na sandoka likambo elandaka moto e mwana mama elandi bolingo e mwana mama botika na linga ezali mbala ya liboso botika na linga nokite bokozanga mwana e bokokangisa bato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama botika tolingana ekosuwa bino wapi e botika tolingana lokumu ya tata mpe na mwana e moto alingaka moto e mwana mama bokomema ndengambo e mwana mama botika tolingana tokosala bino soni te botika tobalana lokumu ya mama mpe na mwana e okomema ndengambo e mwana mama soki bopekisinga sandoka mwana mama bokokamwa ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba bokokumba ndengambo e fote na nga te yala mulu e bokopanza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama ata ndobonga nakomela nakoma mbisi oh botekanga balia ngai nazanga o okokumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisaka te bapesaka tolibovanda bokoboya bokoboya tokokende na mekenga na sandoka likambo elandaka moto e mwana mama elandi bolingo e mwana mama botika na linga ezali mbala ya liboso botika na linga noki koko zanga mwana e koko kangi sabato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama boti katolingana e kosu abino apie boti katolingana lokumu ya tata pena mwana e moto alinga ka moto e mwana mama koko memane ngambo e mwana mama boti katolingana toko salabino solite boti kato balana lokumu ya mama pena mwana e koko memane ngambo e mwana mama soki bopeki singa sandoka mwana mama boko kama ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba boko kumba ndenga mboi fote na ngate ya la mulue boko panza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma ambisio mote kanga balia ngae na zanga boko kumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisa kate bapesa katoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sando likambo elana kamoto e mwana mama elani bolingo e mwana mama botika na linga ezali mbala ya liboso botika na linga nokite boko zanga mwana e boko kangisa bato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama botika tolingana e kosuwa bino wapie botika tolingana lokumu ya tata pena mwana e pa mama poso poso poso poso poso poso poso poso quand Franco a chanté Sandoka, le thème qui est dans Sandoka, tout le monde a étonné. Franco chante maintenant l'amour. Parce qu'il chante l'amour. Donc, il dit Moto Alingaka Moto. Donc, l'homme ne peut aimer qu'un homme. Donc, l'homme, quoi. Donc, Sandoka a la maladie d'amour. Il aime de Sandoka, donc c'est lui Franco. Il se met à la place de l'homme, il donne le nom Sandoka, qui est tombé amoureux d'une femme. Donc il a été d'implorer cette femme d'être ensemble avec lui. Qu'est-ce qu'il dit là? Donc, Sandoka, toi et moi, on va aller même jusqu'à la Mecque. Hein? Sandoka, c'est un musulman. Ouais, c'est un musulman. Alors, la femme, c'était une chrétienne catholique. Il dit, malgré ça, toi et moi, on va aller à la Mecque. Pour qu'on puisse s'aimer, quoi. Ah, les gens sont étonnés. Franco, ça te met l'amour. Franco qui chante que des choses pour critiquer les gens, pour attaquer les gens, maintenant il l'amour. Il a été beaucoup félicité. C'est ça, Sandoka. Ouais. Franco est mort musulman. Il a été, d'abord, dans sa naissance, il était catholique. Mais juste aux années 70, je crois, 70, 75, il s'est converti à musulman. Il s'appelle Aboubakar Siddiq.